33 ist Fensteraterrissage. Safran Landing Systems est Messier Bugatti Dauti est aujourd'hui le leader mondial de systèmes d'atterrissage et de freinage aéronautiques. Les origines de cette activité remontent en 1920 avec Georges Messier, pionnier de suspensions pneumatiques dont nous parlions à propos de l'aviture exposée à Côte. Georges Messier créa la société Messier Automobile, avant de produire également du matériel d'aviation. Parmi les innovations les plus notables mises au point par Safran Landing Systems Messier, Bugatti Dauti, seitens l'introduction de la CIA à très haute résistance dans les années 50 et l'utilisation du carbone en remplacement de la CIA pour les freins, dans les années 80 devant vos SE trouvent les trains d'atterrissage de quatre avions de transport commercial. Prenomes. De gauche à droite, on trouve les trains de la caravelle du Concorde de l'Airbus A300 de l'Airbus A320. Vos arrives au terme de ce parcours. Mais avant de quitter le hangar aéronautique, prenez un poil de hauteur en montant sur la mezzanine, vos Y ferez des drones, et tout un ensemble de maquettes d'avions motorises par Safran. Vos pourrez aussi jouer les pilotes de chasse en prenant place à bord du Mirage. Nous espérons que vos affaires apprécient votre visite. Merci, et à bientôt.